L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zen Merowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Cinquième épisode. Les femmes, c'est la première chose dont se plaignent les autres détenus. Je suis comme eux. Je trouve ce traitement injuste. Mais c'est justement pour ça qu'on vous met en prison. Comment pour ça? Ben oui, la liberté, c'est ça. On vous prive de la liberté. Je n'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai, vous serez la punition. Oui, vous comprenez les choses, vous. Les autres, non. Mais ils finissent par se soulager eux-mêmes. Je suis tourmenté par le désir d'une femme. C'est naturel, je suis jeune. Je ne pense jamais à Marie particulièrement. Mais je pense tellement à une femme, aux femmes, à toutes celles que j'ai connues, à toutes les circonstances où je les ai aimées, que ma cellule s'emplit de tous les visages et se peuple de mes désirs. Dans un sens, cela me déséquilibre. Mais dans un autre, cela tue le temps. Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. Pourquoi m'épouser alors, a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait. Et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle voulait savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit naturellement. Je veux me marier avec toi. Nous le ferons dès que tu le voudras. Mon patron me propose d'aller travailler à Paris. J'aimerais connaître Paris. Nous avons marché et traversé la ville par ses grandes rues. Tu as remarqué comme les femmes sont belles? Oui. Je comprends que tu les trouves belles. Je veux que tu restes avec moi. Nous pouvons aller dîner au restaurant. J'ai bien envie, mais j'ai à faire. Au revoir, alors. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à faire? Je voulais bien le savoir, mais je n'y avais pas pensé. Et c'est ce qu'elle avait eu l'air de me reprocher. Alors, devant mon air empêtré, elle a ri. Et elle a eu vers moi un mouvement de tout le corps pour me tendre sa bouche. J'ai parlé de toi à un de mes amis. Il nous invite à venir passer la journée de dimanche dans son cabanon, près d'Alger. Il s'appelle Masson. Mais j'ai promis ma journée à une amie. Elle a invité aussi. La femme de Masson sera très contente de ne pas être seule au milieu d'un groupe d'hommes. Ben, je dois raccrocher, mon patron n'aime pas qu'on me téléphone de la ville. Attends. J'aurais pu te transmettre cette invitation ce soir, mais je veux t'avertir d'autre chose. J'ai été suivi toute la journée par un groupe d'Arabes, parmi lesquels se trouve le frère de mon ancienne maîtresse. Si tu le vois près de la maison ce soir en rentrant, avertis-moi. Hein. Entendu. Le dimanche, j'ai eu de la peine à me réveiller. Il a fallu que Marie m'appelle et me secoue. Nous n'avons pas mangé, parce que nous voulions nous baigner tôt. Je me sentais tout à fait vide, et j'avais un peu mal à la tête. Ma cigarette avait un goût amer. T'as une tête d'enterrement. Elle avait mis une robe de toile blanche et lâcher ses cheveux. Tu es belle. En descendant, nous avons frappé à la porte de Raymond. Il nous a répondu qu'il descendait. Dans la rue, À cause de ma fatigue, le jour, déjà tout plein de soleil, m'a frappé comme une gifle. Il fait beau! Il fait beau! Je me sens mieux, j'ai faim. Nous avons entendu Raymond fermer sa porte. Il avait un pantalon bleu et une chemise blanche à manches courtes. Il avait mis un canotier, ce qui faisait rire Marie. Ses avant-bras étaient très blancs, sous les poils noirs. J'en ai été un peu dégoûté. Il avait l'air très content. Salut, vieux. Bonjour, mademoiselle. La veille, nous étions allés au commissariat. Et j'avais témoigné que la fille avait manqué à Raymond. Il en a été quitte pour un avertissement. On n'a pas contrôlé mon affirmation. Devant la porte, nous en avons parlé avec Raymond. Puis nous avons décidé de prendre l'autobus. Nous allions partir quand Raymond, tout d'un coup, m'a fait signe de regarder en face. J'ai vu un groupe d'Arabes adossé à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à leur manière, ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts. Le deuxième à partir de la gauche, c'est mon type. Pourtant, c'est maintenant une histoire finie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas. Ce sont des Arabes qui en veulent à Raymond. Il faut partir tout de suite. Oui, il faut se dépêcher. Nous sommes allés vers l'arrêt de l'autobus qui était un peu plus loin. Les Arabes ne nous suivent pas. Je me suis retourné. Ils étaient toujours à la même place. Et ils regardaient avec la même indifférence l'endroit que nous venions de quitter. Nous avons pris l'autobus. Raymond, qui paraissait tout à fait soulagé, n'arrêtait pas de faire des plaisanteries pour Marie. J'ai senti qu'elle lui plaisait. Nous sommes descendus dans la banlieue d'Alger. Il a fallu traverser un petit plateau qui domine la mer et qui dévale ensuite vers la plage. Il était couvert de pierres jaunâtres et d'asphodèles tout blancs sur le bleu déjà dur du ciel. Marie s'amusait à en éparpiller les pétales à grands coups de son sac de toile cirée. Nous avons marché entre des files de petites villas à barrières vertes ou blanches, quelques-unes enfouies avec leurs vérandas sous les tamaris, quelques autres nues au milieu des pierres. Avant d'arriver au bord du plateau, on a pu voir la mer immobile et plus loin, un cap somnolent et massif dans l'eau claire. L'ami de Raymond habitait un petit cabanon de bois à l'extrémité de la plage. La maison était adossée à des rochers et les pilotis qui la soutenaient sur le devant baignaient déjà dans l'eau. Alors, ah, comment ça va, Alice? Oui. Bah oui, Alice, bien sûr. Oui. Alors, bienvenue, les amis. Merceau, mettez-vous Marie, à l'aise. Hein, il y a une friture de poisson pêché du matin qui vous attend. Maçon. C'était un grand type. Si on allait se baigner. Massif de taille et d'épaule. Moi, avec une petite femme ronde et gentille, à l'accent parisien. Maçon voulait se baigner, mais sa femme et Raymond ne voulaient pas venir. Nous sommes descendus tous les trois, et Marie s'est immédiatement jetée dans l'eau. Maçon et moi, nous avons attendu un peu. À propos de Marie, il m'a dit... Elle était patente. Et je dirais plus, charmante. Le sable commençait à chauffer sous les pieds. J'ai plongé pour rejoindre Marie. L'eau était froide. J'étais content de nager. Avec Marie, nous étions éloignés. Et nous nous sentions d'accord dans nos gestes et dans notre contentement. Je me suis mis derrière elle pour la prendre par la taille. Marie a voulu que nous nagions ensemble. Quand je me suis senti fatigué, j'ai laissé Marie et je suis rentré en nageant régulièrement et en respirant bien. Sur la plage, je me suis étendu à plat ventre près de Maçon et j'ai mis ma figure dans le sable. C'est bon. Hein. C'est mon avis aussi. Pour la première fois, peut-être, j'ai pensé vraiment que j'allais me marier. Peu après, Marie est venue. Elle était toute visqueuse d'eau salée et elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée flanc à flanc avec moi et... Tu ne m'as pas embrassée depuis ce matin. C'est vrai, pourtant j'en ai envie. Viens dans l'eau. Nous avons couru pour nous étaler dans les premières petites vagues. Nous avons fait quelques brasses et elle s'est collée contre moi. J'ai senti ses jambes autour des miennes et je l'ai désirée. Regardez-moi ça. Ah, et oui. Ça sent bon. J'ai très faim. Ah, il me plaît ce morceau. Le pain est bon. Prenez. Merci. J'ai dévoré ma part de poisson. Il y a eu ensuite de la viande et des pommes de terre frites. Nous mangeions tous sans parler. Masson buvait souvent du vin. Il me servait sans arrêt. Au café, j'avais la tête un peu lourde. Et j'ai fumé beaucoup. Et si on passait le mois d'août à la plage, ici ensemble, hein, à frais communs? Ah, pourquoi pas. Bonne idée. Vous savez quelle heure il est? Non. Il est 11h30. Non. Bon, là, mangez très tôt, hein. C'est naturel parce que l'heure du déjeuner, c'est l'heure où l'on a faim. Qui veut se promener sur la plage avec moi? Ah, allons-y. Oh, ma femme fait toujours la sieste après le déjeuner. Moi, je n'aime pas ça. Il faut que je marche. Je dis toujours que c'est meilleur pour la santé. Mais après tout, c'est son droit. Hein. Je vais rester pour aider Madame Masson à faire la vaisselle. Merci, c'est allez, les hommes, dehors. Allez, nous sommes descendus tous les trois. Le soleil tombait presque d'aplomb sur le sable. Et son éclat sur la mer était insoutenable. Il n'y avait plus personne sur la plage. Dans les cabanons qui bordaient le plateau et qui surplombaient la mer, on entendait des bruits d'assiettes et de couverts. On respirait à peine dans la chaleur de pierre qui montait du sol. Nous nous sommes dirigés vers l'eau et nous avons longé la mer. Je ne pensais à rien. Parce que j'étais à moitié endormi par ce soleil sur ma tête nue. J'ai aperçu en même temps, tout au bout de la plage et très loin de nous, deux Arabes en bleu de chauve qui venaient dans notre direction. J'ai regardé Raymond et il m'a dit... C'est lui. Nous avons continué à marcher. Mais comment ils ont pu vous suivre jusque-là? J'ai pensé qu'ils avaient dû nous voir prendre l'autobus avec un sac de plage. Mais je n'ai rien dit. Les Arabes avançaient lentement. Ils étaient déjà beaucoup plus rapprochés. Nous n'avons pas changé notre allure. S'il y a de la bagarre, toi, Masson, tu prendras le deuxième. Moi, je me charge de mon type. Toi, Meursault, s'il en arrive un autre, il est pour toi. Oui. Masson a mis ses mains dans les poches. Le sable surchauffé me semblait rouge maintenant. Nous avancions d'un pas égal vers les Arabes. La distance entre nous a diminué régulièrement. Quand nous avons été à quelques pas les uns des autres, les Arabes se sont arrêtés. Masson et moi, nous avons ralenti notre pas. Raymond est allé tout droit vers son type. Il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. Tout est très simple. Retracez-moi encore une fois votre journée. Raymond était allé tout droit vers son type. Goûte la kmadzitch de me sortir. Toi, pas touché la sœur. Y'a ou l'id, y'a ou ahd, saloper de macro, de gauri. Allah, y'a d'une mokane, t'allas. C'est moi, je te parle, moi. C'est pas toi que je cause. Fils de pute, dis-je pas. Fils de pute, tais-toi. Quoi? Je ne parle pas comme ça. T'as mal, t'as mal, t'as mal. L'arabe s'était aplati dans l'eau, la face contre le fond. Il était resté quelques secondes ainsi, des boules crevant à la surface autour de sa tête. Pendant ce temps, Raymond avait aussi frappé et l'autre avait la figure en sang. Raymond s'était retourné vers moi et m'avait dit: tu vas voir ce qu'il va prendre! Attention, il y a un couteau! Tiens! Ah! Mais déjà, Raymond avait le bras ouvert et la bouche tailladée. Nous n'avions pas osé bouger. Les Arabes s'étaient relevés. Ils avaient reculé lentement, sans cesser de nous regarder et de nous tenir en respect avec le couteau. Quand ils ont vu qu'ils avaient assez de champ, ils se sont enfuis très vite, pendant que nous restions cloués sous le soleil et que Raymond tenait serré son bras dégouttant de sang. Chaque fois qu'il parlait, le sang de sa blessure faisait des bulles dans sa bouche. Et ensuite ? Nous étions revenus au cabanon aussi vite que possible. Madame Masson pleurait et Marie était très pâle. Moi, cela m'ennuyait de leur expliquer. J'ai fini par me taire. J'ai fumé en regardant la mer. Vers 1h30, Raymond était revenu de chez le docteur avec le bras bandé et du sparadrap au coin de la bouche. Il avait l'air très sombre et il ne parlait toujours pas. Raymond, où tu vas ? Descends sur la plage. Nous allons t'accompagner. Foutez-moi la paix ! Il ne faut pas le contrarier. Moi, je l'avais suivi quand même. Nous avions marché longtemps sur la plage. Je suis là de répéter la même histoire. Il me semble que je n'ai jamais autant parlé. Je voudrais vous aider, vous m'intéresser, et avec l'aide de Dieu, je ferai quelque chose pour vous. Auparavant, je voudrais vous poser encore quelques questions. Aimiez-vous votre maman ? Oui, comme tout le monde. Le greffier a dû se tromper de touche. L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zen Merowitz. 5e épisode. Avec Jean-Michel Dupuis, Meursault, Roger Jacquet, le gardien de prison, Jean-Claude Leguet, Raymond Saintès, Constance Dolé, Marie, Patrice Mélénec, Masson, Nathalie Tétrel, Madame Masson, Christian Pereira, le juge d'instruction, et Ahmed El Kouréchi, Omar Lekloum. Musique originale et contrebasse, Hélène Labarrière. Prise de son au Maroc, Nicole Marmé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Anne de Belchin. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.